being an additive synthesizer. À quoi ça te sert? À quoi ça te sert? Hein? Dis-moi à quoi ça te sert? À quoi ça te sert? À quoi ça te sert? Mais dis-moi, à quoi ça sert de soutenir en public mais jalouser en privé? On te connaît. Mais dis-moi, à quoi ça sert de comparer un cheval de course à un poney? Non mais. Mais dis-moi, à quoi ça sert de jurer sur la daronne quand tu mens? Mais dis-moi, à quoi ça sert de ne pas me kiffer? Viens prendre ton pied tranquillement. À quoi ça sert, hein? Rouya, de mentir, de dire que la selle tu la bouillarde. À quoi ça sert de la traiter de salope? On sait tous que tu l'aimes. Amen, alléluia. À quoi ça sert? T'es déjà dans la merde et tu laisses entrer dans la boîte à caca. Quand j'étais petite, je matais des films X avec mon père, donc c'est la faute à papa. Oh. À quoi ça te sert de rapper, frangin, lâche l'affaire. Mais non, moi je continue de froisser les prods, c'est mon job donc je lâche pas le fer. Lâche pas le fer. Donc je repasse encore une prod à Brahms que je viens de baiser. C'était tellement bon que j'y recrache. À quoi ça te sert? Prendre l'ascenseur, voir tous les moyens, j'arriverai avant toi. Tu n'es qu'un branleur, ça se voit à ton avant-bras. À quoi ça te sert de taper des grecs? T'es en surcharge pondérale. À quoi ça te sert de faire un crête sur 30 piges? Tu ne vois pas que le monde déraille. Mais dis-moi, à quoi ça te sert de piloter un 6.3 à 50 à l'heure? Mais dis-moi, à quoi ça te sert de mal parler sur moi? Je vais te niquer ta mère. À quoi ça te sert? Niquer ta sœur. De postuler chez les poulets, hein. Comment te dire, va te faire un couler. À quoi ça te sert? À quoi ça te sert de tester corbeille? À quoi ça te sert, hein? Enculé, à quoi ça te sert? Non, reculé, à quoi ça te sert? À quoi ça te sert de tester corbeille? À quoi ça te sert, hein? Enculé, à quoi ça te sert? Non, reculé, à quoi ça te sert de vouloir comparer? Nous c'est corbeille, ceux qui pensent et nous la mettre sont de gros tarés. À quoi ça te sert de vouloir comparer? Nous c'est corbeille, ceux qui pensent et nous la mettre sont de gros tarés. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Nina Stiller, comment faire? À quoi ça sert? Nina Stiller, comment faire? À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert pour faire le ZRF? Tu vas te faire amocher comme les deux CRS. De vendre de la pu ou du shit, de la C ou du crack. Si tu fais 0€ de BNF, à quoi ça sert de mettre la mi-pado? Profite d'elle avant que la vie te fauche. À quoi ça sert prendre 2 litres 3 si c'est pas pour fumer la file de gauche? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Nous on veut autant de bif que les Qatariens. T'es peut-être mignonne mais si t'as aucune forme, chérie, pour nous tu sers à rien. À quoi ça sert de vouloir me connaître? Cherche pas l'amitié, j'ai pas ton temps. Moi je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux. Je te nique ta race si t'es pas content. Quand on est mignon, on reste mignon. Faire le dur, ça sert à quoi? Tu nous les casses, on sait qu'une mort pas. Donc explique-moi pourquoi t'as bois. Nos rapports avec les forces de l'ordre sont aussi délicats que la soie. Pour une question d'hygiène, tu nous verras pas pisser là où on s'assoit, soit. J'ai la chair de poule, le poil irisé. Mouvement de fou, je te conseille d'éclipser. Que des maboules dans ma tête, toi-même tu sais qu'y a plus rien à faire quand les liens sont tissés. À quoi ça sert pour la test l'injection? On est beaucoup plus violent qu'une rage de dents. Si t'assumes pas que ce soit ton coffre, gros, bah fallait pas que tu craches dedans. Ça sert à quoi de se donner en spectacle? On s'affiche pas sur la piste de danse. Ça sert à rien d'ouvrir sa gueule, gros. Si t'ouvres ta bouche, non, pisse dedans. Si ta meuf passe avant ta daronne, va te faire baiser, toi et ta pute. Dans ma ta blague, ce qui règne à corbeille, gros, c'est la violence à l'état brut. À quoi ça te sert? À quoi ça te sert de tester corbeille? À quoi ça te sert, hein? Enculé, à quoi ça te sert? Non, reculé, à quoi ça te sert? À quoi ça te sert de tester corbeille? À quoi ça te sert, hein? Enculé, à quoi ça te sert? Non, reculé, à quoi ça te sert de vouloir comparer? Nous c'est corbeille, ceux qui pensent nous la mettre sont de gros tarés. À quoi ça te sert de vouloir comparer? Nous c'est corbeille, ceux qui pensent nous la mettre sont de gros tarés. À quoi ça te sert? À quoi ça te sert de tester corbeille? À quoi ça te sert, hein? Enculé, à quoi ça te sert? Non, reculé, à quoi ça te sert? À quoi ça te sert de tester corbeille? À quoi ça te sert?